Trouver le réglage à faire. Est-ce que c'est bon? estás allí. Est-ce que ça satisfait? Dis-moi, est-ce que ça satisfait? Yeah, moi tu satisfais. Dis-moi, est-ce que ça satisfait là? Sur un bouton, ah non, c'était bon. Oh, j'ai appuyé sur un bouton et c'était bon. Ah, est-ce que ça sature? Est-ce que ça sature là? Ouh, yeah, est-ce que ça sature? Dis-moi, est-ce que ça sature là? c'est important. Les sous-vêtements, c'est important. Les sous-vêtements, c'est important. Les sous-vêtements, c'est important. Les sous-vêtements, c'est important. Les sous-vêtements, c'est important. Les sous-vêtements, c'est important. C'est important, les sous-vêtements c'est important. Les sous-vêtements c'est bien important. Les sous-vêtements c'est bien important. Mais les sous-vêtements, on va jeter. Les sous-vêtements, on va tous les jeter. Les sous-vêtements. Là-haut. rappelle l'île.